voulait pas prendre son adresse. Et il voulait pas plaire, il voulait pas qu'on l'aime. Et il a réussi, et il a réussi, et il a réussi. Il était pas mignon, il faisait pas risette. Il plaisir à maman, il était pas gentil. Et il voulait pas plaire, il voulait pas qu'on l'aime. Et il a réussi, et il a réussi, et il a réussi. Et ça a mal fini. Et même un peu plus grand, il était pas gentil. Il avait pas de bonne manière et il voulait pas plaire. Il voulait pas qu'on l'aime, il voulait pas qu'on l'aime. Il voulait pas qu'on l'aime. Et il a réussi, et il a réussi, et il a réussi. Et ça a mal fini. Est-ce un crime, un suicide, puisqu'il voulait pas naître. Il voulait pas qu'on l'aime, il voulait pas qu'on l'aime, il voulait pas qu'on l'aime. Et ça a mal fini.